Chanel. Me fait vibrer comme si c'était la première fois. Englouti dans tes voix. Pour un seul baiser de ta part. Est-ce que t'es chaud, renforce ma libido. Baby d'amour, t'as l'air appétissant. Mon cœur est chaud, dis-moi est-ce que tu sens. Mon cœur est chaud, dis-moi que tu le sens. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en douce mousse quand nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en douce mousse quand nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Je te ferai crier mes reins méchants. Avoue à tes potes que je t'ai rendu fou. Mais baby, ne sois pas si fasciné. Ah ah ah ah ah. Ego, surdimensionné. Les gars, j'ai pété les plans. Trop hautaine, Cupidon me boude. Y'a pas de plan, je vais rester en solo. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose, dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Parle-moi de toi, parle-moi de moi. Dis-moi d'où tu viens, je veux tout savoir. J'ai essayé de me contenir, mais ton corps sculpté, ta bouche m'empêche. Appétit d'or, goût choc au chocolat. Ouais, t'en deviendras malade, alchimie incroyable. Pourquoi lutter? Trop déterminé. Arrête ton numéro. T'es déjà à point zéro. Trop de bla bla bla bla bla. Trop de bla bla bla bla. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ton body est chaud, ton body est frais. Ton body est fou, mon body t'attend. Oh non, en osmose dans nos corps se mêlent. Soirée inoubliable, c'est toi et moi. Ayata Mizero, Ayata Mikao. Mais quand les cœurs s'emballent, Ayata Mizero, tu es loin, je crois que je pleure.